Vous écoutez France Culture. Merci Marie-Hélène. Le Salon Noir. En plein air, répandait sur ces sauvages un souffle de moralité, de force et de calme que ne connaîtront jamais les populations ouvrières ni les hommes de bureau. Édouard Piette, 1878. Voici une belle image des hommes des temps anciens. Parodiant Etterescola, je lui préfère aujourd'hui une autre vision, affreux, sale, mais surtout méchant. Tel sera le thème de notre Salon Noir, avec pour invité Marie-Hélène Patou-Matisse. Bonjour. Bonjour. Préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des relations entre hommes et animaux, vous défendez au travers de livres, mais aussi de films, la mémoire d'un homme néandertal. Vous venez de publier « Préhistoire de la violence et de la guerre » aux éditions Odile Jacob. Marie-Hélène Patou, la violence, vous en arrivez tout droit puisque vous étiez sur les barricades de Kiev en Ukraine ? Oui, tout à fait. Oui. J'arrive donc de Kiev parce que j'ai un beau programme de recherche avec des collègues ukrainiens. Et nous avions programmé depuis longtemps un séminaire. Et bon, bah, nous nous sommes trouvés dans l'actualité. Et c'est vrai que là, j'ai vu de belles choses. J'ai pas vu que de la violence. J'ai vu une violence dans les idées, dans la défense d'idées, mais pas du tout dans les gestes. Alors, c'est ce qu'on appelle la violence sublime, ou du moins, c'est ce qu'aurait dit le sociologue Georges Sorel quand il s'agit de révolution, c'est bien ça? Exactement, là, tout à fait. C'est la violence justifiée pour une idéologie positive. Voilà, contre peut-être la violence honteuse? Oui, celle qui, en fin de compte, est toujours pour des choses plutôt assez négatives, soit pour des valeurs, valoriser l'autre, soit pour lui prendre ses biens. La violence, le conflit, la guerre sera bien sûr au cœur de notre propos. Quoi qu'il en soit, Marie-Hélène Patou, la violence ne serait-elle pas tout simplement innée? En un mot, notre condition humaine. Oui, on l'entend beaucoup. Hein. Je crois qu'en fin de compte, alors là, on est complètement abreuvé de ce diktat. Voilà, on n'y peut rien parce que tu comprends. La violence, elle est primordiale, elle est en nous, elle est intrinsèque. Alors une fois qu'on a dit ça, comme ça, on n'a plus rien à faire, parce que si on est violent, bah, c'est parce qu'on n'y peut rien. C'est dans nos gènes. Voilà, et c'est vraiment ça qui a été un petit peu agaçant et qui a peu, entre autres, motivé aussi cet ouvrage. Parce qu'en plus, on ajoute souvent, et comme vous le rappeliez au début, je travaille beaucoup sur la relation homme-animal, on l'ajoute souvent en plus, c'est la part d'animalité en nous. Alors là, je ne comprends pas ce que veut dire cette part d'animalité. C'est vrai que, évidemment, étant évolutionniste, je sais très bien qu'on est dans le règne animal, mais franchement, pourquoi les animaux ne sont pas violents, les animaux sont agressifs, et nous aussi, et heureusement qu'on est agressifs. Ça, c'est nécessaire à la survie et à la vie. Mais la violence, non, la violence, elle est culturelle. Alors partons justement de l'éthologie, on connaît la gestion du conflit chez les femelles bonobos, le singe dont nous descendons est-il violent, voire même guerrier? Oui, il y a pas mal d'ouvrages en ce moment et d'articles, bien sûr tout le monde connaît France Deval qui a beaucoup travaillé, et c'est vrai qu'on a mis en évidence, puisqu'on connaît quand même les bonobos relativement récemment, qu'il n'y avait pas que des chimpanzés, les bonobos sont aussi proches de nous que les chimpanzés, et que les chimpanzés, si certains groupes, pas tous, avaient certains moments des comportements plus agressif que d'autres groupes. Chez les bonobos, il y avait une certaine agressivité, mais qui était tout de suite minorée et remplacée par des comportements beaucoup plus affectueux. Et surtout, une gestion des conflits plus amicale. On dira ça parce qu'on ne va pas choquer nos auditeurs en expliquant ce qu'ils font pour résoudre leurs conflits. Mais c'est vrai qu'on a vu des choses qui sont un petit peu contradictoires, notamment avec certains groupes de chimpanzés où il y avait l'impression de cette violence, comme on dit. Mais les travaux ont montré quand même que c'était très très limité et que c'était quand même dans des conditions où on avait suscité aussi cette violence. Donc moi je reprendrai un petit peu la phrase de France Deval qui dit on est mi-chimpanzé, mi-bonobo. C'est-à-dire que évidemment on a cette part d'agressivité, mais on a aussi cette part d'empathie. La réconciliation. Donc la violence n'est pas une cruauté bestiale, pour vous ? Oh non, pas du tout. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose qui vaut vraiment écarter, parce que je pense qu'elle nous empoisonne même la tête, qu'elle supporte ce que j'appelle, moi, elle justifie nos débordements. Voilà, c'est un peu pour justifier notre violence, nos débordements, on va dire, elle est primordiale, elle est dans les gènes. Je ne crois absolument pas. Alors, bien sûr, des théories, il y en a eu beaucoup. Ne pourrions-nous pas, par exemple, descendre d'un singe tueur ? Oui, c'est une théorie qui remonte, hein, puisque c'est Raymond Dart, donc dans les années 1920, c'est le père, le découvreur de l'enfant de Tongue, donc les Australopithèques en Afrique du Sud, et donc qui avait mis cette hypothèse. C'est-à-dire que lui, il faisait de ces hommes des chasseurs, donc des tueurs d'animaux. Donc c'est pour ça que pour lui, en fin de compte, on descendait donc d'animaux qui étaient des chasseurs, qui tuaient du gibier. Donc au départ, en fin de compte, la culture aurait démarré sur cette violence, le fait de tuer. Et donc, il a construit cette image qui a été reprise, bien sûr, après par Hardrey, qui alors là, l'a développée d'une façon dans la vulgarisation, et tout le monde a un peu repris ça, les enfants de Caïn, le titre français. Et donc, et là, on voit qu'il y a tout de suite une construction. Parce qu'en fin de compte, surtout si on se base sur les périodes très, très anciennes, c'est extrêmement difficile de mettre en évidence, quels que soient les sites, même célèbres, d'Afrique du Sud ou d'Afrique de l'Est, des Australopithèques, même des Homo habilis, de voir une quelconque violence dans leur comportement. Et cette idée du singe tueur, descendant de singe tueur, est encore à la mode ? Non, c'est complètement passé. D'abord, c'est passé, mais il y a toujours une histoire. Hein, c'est une espèce de balancier. Parce qu'il y a eu cette théorie originelle qui a été combattue d'ailleurs par des féministes dans les années 70, et 60 et 70, parce que de penser que notre civilisation, notre culture descendait de chasseurs, donc de tueurs d'animaux, donc de violence. Ça, c'était impensable. Donc, après, on est passé alors à une théorie qui a été reprise dans les années 80 par Binford, notamment, le chef de file, de dire non, en fin de compte, on n'est pas des chasseurs, on est des charognards. Voilà. Donc, il y a eu un peu ce balancier et c'est un petit peu tombé en désuétude, mais par contre, c'est quand même resté dans la légende et dans la construction de l'archétype de l'homme préhistorique. En fin de compte, c'est toujours un grand chasseur. C'est toujours un tueur d'animaux et bien sûr un tueur aussi d'humains, parce qu'en plus il est cannibale, etc. Donc c'est vrai quand même que malgré tout, cette vision de tueur, parce qu'on est un prédateur, c'est-à-dire que l'économie, si j'ose dire, de l'époque est basée sur la prédation. C'est la prédation, mais aussi sur le végétal, la cueillette, mais ça, bon, personne ne se met à défendre les plantes, mais aussi sur l'animal. Et donc c'est vrai que ça, c'est indéniable. Mais puisque nous sommes là dans un rapport de vie, c'est-à-dire là on est tout à fait dans une autre pensée, c'est-à-dire que j'appelle aussi la survie, on va, pour maintenir notre espèce, il faut bien se nourrir, et bon, la façon de se nourrir, c'est de prendre dans la nature, à ces époques-là, de prendre dans la nature ce qu'il y a, et donc il y a des plantes et il y a des animaux, et on sait très bien que les protéines animales sont aussi très importantes à ces époques-là, et donc c'est évident qu'on est obligé de tuer ces animaux, mais c'est pas pour ça que nous sommes des sages-tueurs ou des tueurs en série, même, j'ai lu dans un magazine. En tout cas, Marie-Hélène Patoumatis, la violence, si elle n'est pas innée, c'est qu'elle est acquise dans ces cas-là. Oui, je crois je pense qu'elle est induite par certaines sociétés. Parce que ce qui est intéressant aussi de voir, et moi j'ai eu la chance de vivre une aventure merveilleuse avec les Bushmen du Kalahari, il y a des peuples qui n'ont jamais été violents. C'est-à-dire qu'ont des sociétés donc, qui se sont écartées de cette violence. Et ça aussi, ça montre que la violence n'est pas génétique, puisqu'à ce moment-là, tous les humains seraient violents et il y aurait des guerres. Il y a vraiment des types de sociétés qui se sont maintenus complètement à l'écart parce qu'ils ont fait des valeurs. Ils ont basé leur structure sociale sur d'autres valeurs que des valeurs qui peuvent engendrer la violence, notamment les valeurs de coopération, de partage, de non-valorisation justement du guerrier, du chasseur. Donc il y a vraiment, je pense que c'est en ça que la société va construire, en fin de compte, un système qui va être plus ou moins violent. Et évidemment que si vous êtes attaqué, évidemment que vous allez riposter. Mais ça, on ne peut pas appeler ça de la violence. Là, c'est simplement ce que j'appelle, moi, l'agressivité. C'est cette notion, cette émotion qui va faire que ça va nous permettre de survivre. Non, alors que la violence, c'est vraiment quelque chose qui est construite sur des valeurs, et souvent sur des valeurs négatives de l'autre en particulier. Pour les périodes les plus anciennes, celles par exemple de la préhistoire et du paléolithique, ne manque-t-il pas tout simplement de preuves ? On n'a quasi rien pour parler de violence. Oui, alors ce qui est intéressant... Les archéologues et les préhistoriens ne parlent de choses dont ils ne connaissent absolument rien. Voilà, c'est-à-dire que ce qui était important pour moi, pour aussi essayer de montrer si oui ou non il y avait cette violence dite primordiale, hein, si je reprends le terme de René Girard, c'est d'aller voir les faire que j'ai. Parce que nous sommes des archéologues, des préhistoriens, on est des hommes de terrain. Là, justement, à Kiev, moi, j'étais sur du terrain. On va rechercher. Et là, c'est clair qu'il y a, pour les périodes très anciennes et tout, il y a peu d'éléments. C'est clair. Mais à un moment donné... Mais même pour toute la préhistoire, pour tout le paléolithique, oui, il y a quand même très peu de choses. Voilà, mais il y a beaucoup... Non, je veux dire, il y a beaucoup de matériel maintenant, hein, à notre disposition. Et sur ces centaines, ces milliers d'ossements, notamment pour les Néandertaliens et les premiers hommes modernes, les Cro-Magnons, on a des milliers d'ossements. Et bien, sur ça, en fin de compte, il y a quasiment peu de traces, il n'y a quasiment rien. Et c'est ça quand même qui est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a peu de matériel. Non, dans ces périodes-là, c'est assez bien documenté. La chose, par contre, qu'on peut dire, c'est par rapport à la démographie. Ça, c'est clair que là, disons, on peut tout de suite se poser la question en disant oui, mais du fait qu'il y a peu de population sur un vaste territoire, bon, pourquoi avoir des conflits puisqu'on revient toujours, parce que ça aussi, ça fait partie un peu des choses qu'on entend en permanence. C'est toujours une question de territoire, de bataille de territoire. Et en fin de compte, je dirais, je pense qu'il faut reprendre aussi le problème inverse. Parce que justement, lorsque vous êtes des petits groupes très dispersés sur une grande surface, sur de grands territoires, vous avez intérêt à maintenir des relations, de très bonnes relations avec vos voisins. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer au sein de votre groupe. Il faut bien se reproduire, on va chercher ailleurs. Et donc, si on est tout le temps en guerre, etc., on ne serait plus là. C'est-à-dire que je pense que nos ancêtres, s'ils avaient été perpétuellement en conflit, eh ben, on ne serait pas là. Et il nous reste, bien sûr, les romans, notamment La Guerre du Feu, chef-d'œuvre voilà. de Doroni, oui. qui a fait rêver des générations d'enfants. Non, mais c'est évident que c'est pour ça que je pense que non seulement la violence est construite par les valeurs dont je parlais tout à l'heure, mais elle a été construite, et à mon avis, assez enracinée, la construction de l'archétype de l'homme violent, du surtout méchant. Ça, là, en plus, c'est vrai aussi. Et méchant, c'est vraiment construit dans la seconde partie du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec tous ces romans, mais aussi avec les scientifiques. Bien sûr, et d'ailleurs je dirais, ça continue. Il y a des écoles, et les écoles divergent. Ainsi, par exemple, les Américains, qui constituent peut-être un bloc à eux seuls. Vous avez dû probablement lire War Before Civilization, la guerre avant la civilisation, qui tente à montrer l'ancienneté de cette violence et de la guerre. Oui, alors, ce que je connais ces travaux et les ouvrages à ce sujet sont quand même un peu... démarrent pas aussi loin que moi j'ai essayé de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont quand même basés majoritairement sur les chasseurs, sur les peuples sédentaires, pardon, et pas sur les chasseurs-cueilleurs. Et donc, c'est déjà beaucoup plus tardif. On est dans un autre système économique et un autre système social. En tout cas, Marlène Patou, il nous faut évoquer cet homme pas si lointain de nous, Néandertal. Certains préhistoriens ont parfois dit, d'ailleurs assez maladroitement, que nous serions ici en présence d'un génocide. Le génocide néandertalien ? Oui, non, mais alors là, pour faire une petite boutade, parce que là, bon, Néandertal a disparu il y a longtemps, je pense qu'il ne m'en voudra pas. Je pense que là, c'est sérieusement, on ne peut que se dire que c'est un peu du grand n'importe quoi dans le sens où la disparition des Néandertaliens s'étale déjà sur plusieurs milliers d'années. Probablement qu'elle est polyfactorielle, qu'il y a... En plus, on peut quand même discuter au niveau de leur civilisation, de leur tradition culturelle peut-être, mais au niveau génétique, si nous avons les Eurasiatiques entre 1 et 4% de gènes néandertaliens, il n'a pas tout à fait disparu. L'hybridation. Bien sûr, puis en plus, il a quand même, ça me fait aussi un petit peu sourire, il a quand même vécu 300 000 ans, on n'en a fait que 200. Hein, on a fait 200 000 ans, donc on ne sait pas dans 100 000 ans comment on sera, et si on sera toujours là en tant qu'espèce. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu surprenant, et surtout quelque chose qui est agaçant, c'est qu'en fin de compte, rien ne prouve, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'on a même, la petite trace qu'on a sur Pierrette, hein, du châtelet péronien, donc à Saint-Césaire, hein, le néandertalienne, qui a un coup sur la tête, voilà. Mais en fin de compte, on ne peut pas l'appliquer vraiment à une mortalité due à quelqu'un, et notamment à un sapiens. Donc je pense qu'on n'a pas de preuves, mais on voudrait que ça soit comme ça. Donc je pense que c'est parce que certains souhaitent peut-être qu'on soit dans la repentance. Et puis aussi qu'on est dans le fantasme. Vous prenez aujourd'hui la réhabilitation de cet individu affreux et sale, car les scientifiques en ont fait une véritable caricature ? Oui, je crois que il y a un moment que j'ai commencé à parler de lui dans d'autres termes, mais c'est vrai que je vois quand même que depuis l'ouvrage que j'avais écrit sur lui, ça a beaucoup changé maintenant. Quasiment, il est devenu le héros et tout le monde le préfère, même à Cro-Magnon. Donc, comme quoi les choses changent. Mais plus sérieusement, je crois que il faut accepter les différences, parce que différences il y a entre lui et nous, mais ces différences n'ont pas à être hiérarchisées, c'est-à-dire qu'elles n'impliquent pas le fait qu'il soit inférieur ou supérieur. Et maintenant, je suis même contrainte devant certaines lettres de lecteurs qui disent « Oh, je voudrais bien être néandertal ». Non, je dis non. Je veux dire qu'il ne faut pas tomber l'inverse et dire que les Cro-Magnons sont inférieurs, sont moins bien que les néandertaliens. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il y a des différences, mais ces différences sont ni plus ni moins que les différences qu'il y a entre nous sur la planète. En tout cas, il y a du fantasme chez les préhistoriens. Oui, et je crois que ça s'enracine là aussi. Revenir à quelque chose qui est quand même assez troublant toujours, parce que c'est ça pour moi qui a fait beaucoup de conflits ces dernières années, c'est de voir qu'en fin de compte, on crée des archétypes. Et cet archétype de l'homme préhistorique, même un peu Cro-Magnon quand même, il fallait qu'il soit inférieur. Parce que nous étions dans une vision, à la fin du 19e siècle, de cette vision chère à Mordillet, Gabriel, de la vision d'une évolution progressive. C'est-à-dire que nous sommes forcément, puisque nous sommes après, forcément mieux, meilleurs, meilleures technologies que ceux qui étaient avant. Donc je crois que c'est pour ça que ça a forgé cette image de l'autre lointain dans le temps qui était forcément inférieur à nous. Et comme on a fait le lointain avec le sauvage, le lointain, lui, géographiquement parlant, on l'a infériorisé pour le coloniser. Donc c'est un petit peu le même processus d'inférioriser ce qui est avant, de dire nous on est mieux, donc toujours dans cette vision de la différenciation et de la hiérarchisation. Pour les auditeurs du Salon de l'Art de France Culture, je rappelle, Marie-Hélène Patou, que vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Votre dernier ouvrage, Préhistoire de la violence et de la guerre. Nous sommes bien entendu humanistes. Doit-on pour autant opérer une rousseauisation, entre guillemets, de l'homme préhistorique ? Non, justement, je pense qu'il faut faire attention parce que je crois qu'il faut remettre toujours les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que là, les hommes préhistoriques dont on parle, les chasseurs-cueilleurs, où il y a vraiment un peu de traces de violence, mais pas de traces de guerre, en fin de compte, étaient dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'elles étaient dans une situation d'économie de prédation. Et surtout aussi nomades. Et là, évidemment, c'est la structure sociale qui va avec ce type d'économie est différente. Et elle est plus basée sur, parce que c'est nécessaire à la survie du groupe, elle est plus basée sur le partage, notamment du gibier et des tâches, la coopération, donc une forme d'égalité. Et je pense que c'est le mode de vie qui aussi a forgé cette façon de faire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien, qu'ils sont plus éloignés du mal que nous ou plus proches du bien. Je pense que là, il faut faire très très attention et que ça, c'est vraiment pour moi très différent. Il faut bien séparer en fin de compte ce qui est dû au contexte de ce que on peut là aussi fantasmer en disant avant, soit on les voit comme les aubes cruelles, soit on les voit comme les âges d'or. Justement, j'évoquais en début d'émission Édouard Piette, cette belle phrase de ces hommes libres. Ils vous en ont parlé, il y a l'aube cruelle, il y a aussi l'âge d'or, d'ailleurs qui avait été un titre d'un livre par Jean Chavaillon qu'il avait utilisé. Donc nous aurions en fait deux courants de pensée qui s'opposeraient pour expliquer l'origine de l'humanité. Moi je crois et je pense que ça dépend aussi de... Là justement, on parlait tout à l'heure des anglo-saxons, notamment des Américains. Je crois que ça dépend un peu de notre histoire. Oui, notre histoire, c'est un problème d'idéologie. Exactement. Et je crois que là aussi, c'est une vision du monde un peu différente. C'est-à-dire qu'il y en a une vision qui est un peu strangler for life, c'est-à-dire qu'il faut être le plus fort pour survivre. Et puis il y a une vision où, qui au contraire dit c'est l'empathie, c'est la collaboration, la coopération. En tout cas, côté méchant reste une chose est sûre, l'homme a été cannibale. Et c'est bien sûr une force de violence, du moins pour nous. Oui, alors c'est très juste que vous ajoutiez pour nous. Mais parce que le cannibalisme, c'est très complexe. Je crois qu'on pourrait faire des heures et des heures d'émissions. C'est un sujet extrêmement intéressant. Parce que le cannibalisme, on s'en est servi là aussi pour faire inférioriser donc les sauvages, entre guillemets. Et en fin de compte, c'est très complexe et très ritualisé. C'est rarement, bon, je parle bien sûr quand il y a des famines, des choses catastrophiques et tout. Mais sinon, c'est très ritualisé. Et très souvent, c'est l'endocannibalisme, c'est-à-dire c'est du rite funéraire. On se mange entre nous. On mange un bout de sa grand-mère, comme je dis toujours très gentiment. Et donc, ça fait partie d'un rituel très complexe. Et il n'y a pas, pour l'endocannibalisme, il n'y a pas de violence. On ne va pas tuer sa grand-mère pour la manger. Alors que c'est vrai qu'il existe quand même à côté de l'exocannibalisme. On va manger donc un étranger, entre guillemets, un étranger à son groupe. Et là, évidemment, il faut le tuer pour le manger. Mais c'est toujours aussi dans des contextes ritualisés. Et ça, c'est vrai. Et j'en parle dans mon livre. C'est vrai que ces premières traces, c'est 800 000 ans. Donc, c'est au moins antécesseur, c'est pas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est très, très lointain, mais je dirais que c'est presque une preuve d'humanisation. Donc, ça va peut-être choquer les auditeurs, mais parce que je pense que ça, le cannibalisme, c'est vraiment quelque chose qui est, surtout ritualisé, je parle, c'est vraiment quelque chose qui est très humain. En tout cas, il y a environ 12 000 ans, le conflit, la guerre est-elle créée par la sédentarisation ? C'est une vraie question parce que il faut rappeler à nos auditeurs que contrairement des fois à ce qu'on peut penser, la sédentarisation elle est avant la domestication des plantes et des animaux. Et donc c'est clair que il y avait une maîtrise à la fin les derniers peuples chasseurs-cueilleurs de la préhistoire avant de se sédentariser, ce qu'on connaît notamment en Europe, mais là aussi au nord du Soudan, en Égypte, le site dont on parle. C'est vrai que il y a une transformation qui est très importante, c'est l'augmentation démographique avec cette sédentarisation. Parce que ces derniers chasseurs sont tellement opérants, ça marche tellement bien, c'est un peu ce que la société d'abondance. Et donc, il va y avoir une augmentation de la démographie. Dès qu'il y a sédentarisation, il y a une augmentation de la démographie. Et ça bouleverse la structure sociale dans une économie de prédation. Et donc, je pense que ça a été un phénomène très important parce que ça a provoqué probablement des crises et que ces conflits-là vont être provoqués, à mon avis, par cette crise démographique. Et donc là, elle a été guérie, entre guillemets, par un massacre. Alors, vous évoquez le site de Jebel Sahaba qui a été fouillé par Van Dorf dans les années 1960. Nous sommes entre l'Égypte et le Soudan et c'est visiblement la première preuve d'un conflit en archéologie. Un véritable massacre. Voilà, donc ça date à peu près d'environ 14 000 ans et avant le présent. Et c'est 59 squelettes, hommes, femmes, enfants, avec des coups sur la tête, avec des pointes de flèches encore fichées dans le corps, etc. Donc, et des pointes de flèches très particulières. Très particulières, exactement. Alors, deux flèches, c'est des pointes de projectiles, on va dire. Et donc, très particulières. Mais la difficulté, par exemple, et c'est pour d'autres sites aussi, c'est de savoir si c'est, en fin de compte, un problème interne. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, résoudre la crise interne par justement un massacre, par une prise de pouvoir, ou bien est-ce que c'est ceux à l'extérieur chasseurs qui seraient venus, notamment des chasseurs-cueilleurs qui étaient plus vers l'intérieur des terres, donc moins dans des bonnes conditions, parce que là, vers cette période, il y a une aridification du climat qui fait que c'est le bord du Nil, c'est là où se trouve le site, où là, il y avait le plus de gibier. Et donc, peut-être que des peuples chasseurs-cueilleurs plus de l'intérieur, manquant de gibier, seraient venus, donc massacrés. Mais il reste quand même toujours ce questionnement sur est-ce que c'est... Ils se sont entretués ou est-ce qu'en fin de compte, c'est un groupe extérieur qui a attaqué les gens qui habitaient le site. En tout cas, n'est-ce pas le travailler plus pour gagner plus qui a entraîné la convoitise des groupes spécialisés dans l'arsen, dans le conflit ? Oui, on a beaucoup écrit sur ça, sur le fait que l'apparition des inégalités a provoqué l'augmentation des conflits. C'est vrai qu'on constate... avec la sédentarisation, ensuite la domestication des plantes, puis les animaux. On voit très bien que va se créer à ce moment-là, on le voit au niveau de l'archéologie, des grands silos, etc. Donc il va y avoir du surplus. Avant, les chasseurs-cueilleurs font très peu de stockage, un petit peu pour l'hiver, mais il n'y a pas de stockage. C'est-à-dire qu'on ne tue pas des milliers de bisons, hein, on tue quelques bisons. Et donc là, il va y avoir du surplus. Et ce surplus peut et va probablement causer des conflits. Et va surtout changer la structure sociale parce qu'il va falloir garder aussi les silos. Donc il va falloir qu'il y ait des gardes, donc des guerriers. Et on voit apparaître la case des guerriers. Et en même temps, il y a des très, très beaux sites, très belles découvertes vers 4000 ans où on voit apparaître aussi les esclaves. En tout cas, nous sommes obligés de parler de deux grands sites européens, Thalheim, Hexheim. Donc, des sites absolument exceptionnels avec des populations réellement massacrées. Oui, alors il faut quand même faire aussi un peu attention. Des fois, on peut avoir l'impression de ce que certains appellent les couches de guerre. Mais en réalité, et tout archéologue le sait, très souvent, nous avons des mélanges de couches. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un phénomène très court dans le temps. Et en réalité, quand on fait des datations, on s'aperçoit que c'est sur des centaines, voire parfois même plus d'un millier d'années. Donc, il faut là aussi être très prudent dans les analyses. Parce que c'est parce que vous avez énormément de corps qu'ils ont été tous tués en même temps. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis là, pour ces deux sites, justement, on pense... en tout cas les archéologues qui ont travaillé, que c'était des crises internes. Qu'en fin de compte, il y avait des problèmes, alors soit d'épidémies, qui ont entraîné le sacrifice de certaines personnes. Il y a eu beaucoup d'hypothèses dans ce conflit, plutôt au sein donc, des groupes, des communautés, ou en tout cas du même type de communauté. Et pas tellement entre les derniers chasseurs-cueilleurs et ces communautés-là. C'est quand même ça une donnée intéressante. Et ne pas oublier qu'on voit aussi très souvent associé du cannibalisme. Justement, le cannibalisme réapparaît ? Incroyable. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a souvent associé à ces massacres, on a des traces de cannibalisme. Donc là aussi, on peut... probablement des sacrifices humains, mais suivis d'ingestion. Donc on va évidemment là être tout à fait dans ce cas de plutôt probablement de l'exocannibalisme. Et je crois que ça marque vraiment le côté très rituel du cannibalisme. Et là aussi, c'est la violence dans ces périodes-là, et même au paléolithique, on a surtout la violence et pas de guerre, c'est toujours dans lié au sacré, lié au rite. Enfin, j'aime pas tellement ce mot, mais lié à des rites. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour aller chercher, comme on l'a dit, les femmes dans le clan adverse ou du gibier. C'est vraiment lié, à mon avis, à la vision du monde, à la cosmogonie, à des sacrifices humains plutôt. Une dernière question, regardons un instant l'anthropologie. Nous aurions la guerre d'un côté, le commerce de l'autre, à l'image bien sûr des big men et des grands hommes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, voilà, je pense qu'on est un petit peu dans cette vision. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que le fait d'avoir de plus en plus de technologies ou de biens matériels n'a pas du tout endigué la guerre, voire même l'a amplifiée. Mais je crois quand même, pour revenir au sujet du départ sur le côté intrinsèque ou pas, je pense que c'est à nous de penser vraiment autrement l'homme et ne pas le voir en lui seulement cet homme violent, mais plutôt cet homme empathique. et de dire que s'il y a une violence, c'est parce que souvent, malheureusement, on donne une image infériorisée de l'autre. Madeleine Patoumatis, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Préhistoire de la violence et de la guerre, publié chez Odile Jacob. La semaine prochaine, Vincent Négri nous parlera d'un anniversaire. Le 31 décembre 1913 était votée une grande loi, souvent contre l'avis des archéologues. Le Salon Noir était réalisé par Viviane Noël, à la technique Philippe Palares, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr. Retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier de Marie Richeux.